100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. Bienvenue à vous tous, juste après D-Fool sur Skyrock. Minuit 11, on sait pas ce qui peut se passer, mais tout va arriver dans la nocturne 100% rap français. On va débuter avec celui qui était invité dans la nocturne, Jules sur Skyrock, juste après le nouveau son de SCH. Beaucoup, beaucoup de nouveautés. D'ici une petite heure aussi, on basculera en classique. Envoyez les messages avec le hashtag Skyrock, le hashtag de la nocturne. Ça arrive direct dans le studio. Coup d'envoi, nocturne 100% rap français. Jules et SCH sur Skyrock, c'est parti. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Je suis présent, je combat, combat. Plus d'appétit, je fais comme je peux. Je fume la beuh qui met dans le coma, coma, coma. Oh, j'ai mal. Ah, comment je vais faire? Ah, je vais construire un monde que pour moi. Regarde-les, regarde-les, regarde-les. Ils croient qu'ils me font trembler, trembler, trembler. Ils m'ont plus appelé, appelé, appelé. Je voulais tous les engueuler, engueuler, engueuler. Je planifie, je dis des bêtises. Je gamberge à tous ces litiges. Je me lève sur les nerfs, j'ai envie de faire des tours. Arrête tes bobards, arrête tes bobards, arrête tes bobards, j'en ai trop là. Dis pas désolé, t'es fier t'as volé, la poche va te coller, va toucher le bas. J'ai fumé ma ganja, j'ai fumé ma ganja, j'ai fumé ma ganja, j'ai fumé ma ganja. Y'a des armes cachées vers le coffre, hein. Je me suis fait avoir donc je fuck le love. Tu me dis que je suis beau, je te réponds un lol. En restant toi-même, t'as marqué un goal. Ils veulent me tester, je dis oui. Ne me parle pas là, je suis léoué. Je bois mon fort à fraise et kiwi. Qui dit je m'en bats les clés, oui. Wesh pourtant tu joues quel rôle. Tu fais tout le temps ce truc à pas de bol. Tes blagues pétées sont pas de bol. M'a gonflé, faut que je m'envole. Mais fais pas le fou, j'pourrais checker ta dame. Trop m'ont blessé, donc y'a plus d'état d'âme. Envie de merde, faire bibi bobom. Arrête tes bobards, arrête tes bobards, arrête tes bobards. J'en ai trop là. Dis pas désolé, t'es fier t'as volé. La poche va te coller, va toucher le bar. J'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja. Alléluia. Les yeux fermés, j'profite, j'fais un souhait. Qu'est-ce que tu dis, c'est pas ma tête, j'l'ai loué. Des fois j'restais chez moi quand mes potes jouaient. Eh ouais, le front me glace, j'vais lâcher la bouée. Le cœur brisé, l'estomac noué. Fais-moi le bisou avant de m'évanouir. J'pense qu'on achète un yacht. Mais les chiens deviennent lionnades. Faut juste éviter les menottes. Planète Rap 2021. Et là on va écouter SCH. Le nouveau son est arrivé aujourd'hui. Vous l'écoutez maintenant dans la nocturne 100% rap français. Explicite lyrics, la nocturne. Monsieur SCH. J'ai vu la vie dans un BMW 645i. Je veux la baiser, je veux pas savoir son name. Mais savoir son prix, je suis passé du Grégor en Zini, prolétaire devenu aisé. Tu m'as vu chanter dans ta ville pour 15 000 avec un robe frisé. Je suis au 60e étage du Win, demain je retourne à la lime. J'ai l'assurance et la carte grise de ton cul, ça fait 2-3 semaines. Ici t'es pas le bienvenu, on parle pas trop bien et t'as la pile. Elle est pas montée qu'elle a déjà trompé tout son jardin. Tu me feras never. L'OPG m'arrête, j'ai un pétard sous le siège, il veut que la photo pour son neveu. Donc je fais de la photo, je remonte dans l'auto, tranquille. Et là je me dis qu'un truc, c'est que je pourrais avoir tous mes flammes. Ouais, rien qu'on veut toujours plus. Pas besoin d'être actrice, à qui tu fais le système, pas avec ta faire à gamme au début. Je pèse une actrice, mon poteau fait passer le temps, sa mère l'octrice. Petite salope, je monte dans stop, j'ai mon fric et ton adresse. Rien qu'on veut plus. Plus. A qui tu fais le système, pas avec ta ferragamo des puces. Je pèse une actrice, sa mère l'octrice. Petite salope, j'ai mon stéthoscope. Mon fric est dans la presse. J'ai vu la vie dans un BMW 645i. Siège pas que je fais des billets planchers. Comment coffre ça crue. Je suis passé du Glock au P90. Nouveau riche en lycée. Tu m'as vu dans ta ville servir un avocat avec un robe frisé. Je parle pas à ta meuf. Tenez vos putes en laisse. J'suis la BO, j'suis en vrai. J'suis la BO, j'suis entré. J'prends la détail, c'est le S. On a un grandi dans la classe. C'est impossible qu'il y ait des restes. J'tartine des beaux Carantas. J'les tire par les fesses et les tresses. T'as rhum au début, c'était rien qu'un plan cul à ton père. Tu vas pas nous la faire. Moi au début, j'étais rien qu'un petit nouveau rappeur qu'on croyait passager. J'suis sur un coup à 300 l'homme. Chérie, j'peux plaire à ton frère, à ton père, à ta mère, même à toute ta famille. Ouais, rien qu'on veut toujours plus. Pas besoin d'être actrice, à qui tu fais le système, pas avec ta ferragamo des puces. J'pèse une actrice, mon poteau fait passer le temps, sa mère l'octrice. Petite salope, je monte dans stop, j'ai mon fric et ton adresse. Rien qu'on veut plus. Plus. SCH. À qui tu fais le système, pas avec ta ferragamo des puces. J'pèse une actrice, sa mère l'octrice. Petite salope, j'ai mon stéthoscope. Mon fric est dans l'adresse. Il est chaud, SCH, ça fait plaisir. Nouvel album pour 2017 dans la nocturne, 100% rap français. Voici celui qui a sorti un album surprise il y a une semaine. Cyborg, Nekfeu. Le morceau s'appelle Saturne. Dédicace à Guapichat. 100% rap français. Sans mon putain de squad de charbonneur salope, tu serais même pas là. Je baisse avec Kendall Jenner en cachette dans une maison vers Dallas. J'arrive comme si j'étais skater, je mets que du suprême du palace. Billets violés, gobelets violés, mais je fais pas partie des ballasses. Pas dans le clan Pablo Escobar, pas dans le clan de Peña. Si ça marche pas pour vous, c'est que vous vous branlez trop bande de feignasses. Tu suces parce que je connais Nekfeu, donc ça compte pour du beurre. J'aime rouler dans la ville quand je me fais chier, je fais quelques tours d'Uber. Envoie pas des seins si t'es bonne et ah, shout out à toutes les femmes. Sneezy, Nekfeu, esprit noir. Si ma meuf me plaît, mec, dans un harem avec mes roloto et quelques playmates. Dans la mer à Manuel Valls, dans la mer à Donald Trump. J'ai des valeurs, j'suis pas prêt à tout pour que les dollars pleuvent. Faut que le succès, j'veux rester dans la lumière en éteignant. Ou dans la mer à Sarko, dans la mer à Netanyahou. Si ils pas ancrés et pour les rendre fous. On est venu retourner leurs oreilles mondaines. Hey, j'te jure qu'ils ont pas grandi comme nous. Ils comprennent pas qu'on soit remonté. J'entends des types me dire pourquoi fallait-il qu'on vivale. Maintenant les types tirent, ils trouvent la zone prix convivial. Tu veux des vrais, viens dans le studio, y'a que ça. Mon passeport est couvert d'encre comme le dos d'un yakuza. Je me contredis souvent, tu sais ce MC n'est qu'un homme. Montez tous ensemble à condition sine qua non. Pas de nouveaux amis, tous mes vétérans s'éclatent. Dans la foule, je me suis jeté comme si j'étais recyclable. Ouais, ouais, ça fait des années que ça dure. On ne juge pas le cyborg à son ossature. Je veux faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. Faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. Ouais, ouais, ça fait des années que ça dure. On ne juge pas le cyborg à son ossature. Je veux faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. Faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. Hey, oh, petit salaud. C'est esprit noir, enfoiré, je bosse mes shadows. Je suis avec Fuego et Sneeze, on est connus overseas. On a les gogos sur les grosse dédicace, esprit noir. Ils ont fait le plan, tac, tac, cousin le gang est d'attaque. Des ultimos sur chaque claque, des petits points sur chaque tac. Ton flow mes pattes, pattes, t'as fait me job à quatre pattes. J'prends ma liqueur chez le pack, pack, use des points quand y'a pas de pattes. Ça vient du 7-5, quand y'a les keufs, on s'extire. Parcellement de mes ex, tympes, elle veut refaire du sexe stylé. On retape ton appart, pas comme Valérie D'Amido. Quand on rentre, ça paraît gros, cause I have you body no. Avant d'investir sur un SB, obligé de serrer notre vis. La confiance est rare comme de croiser un honnête flic. Rare comme de pouvoir terminer ce film quand t'as invité une fille pour une soirée Netflix. Toi-même tu sais, en tout cas c'est du sûr. J'ai du goût, je vois les mutants mettre du sel et casser du sucre. Tu mets du jet, sur le côté je dois mettre du sel, il faut mettre du sien. La tempête du siècle va tomber du ciel. J'avais pas d'autre choix que prendre ça à cœur. Je suis un boss, mais ils dorment pour plus de 35 heures, pas de pause. J'augmente les craintes chez les petits chefs. J'augmente les grammes sur les t-shirts. Élevé au coup de ceinture. Dès la première écoute, ça tue, Senzo le French, Ovio. Voilà nos vies en VO, voyage en avion. Beaucoup d'envieux, on protège nos vieux. Je fais la fête tous les soirs, j'en ai rien à foutre du jour de l'an. La fosse de ton concert est vide, y'a même des types qui courent dedans. J'écrase l'adversaire comme un château de sable. Que des trophées sur le tableau de chasse, je baisse des meufs connues juste pour le clan. Si tu nous fous le seum, on s'est foutu d'écoute, sub boy. Et si ta meuf est venue à mon showcase, ne crois pas qu'elle danse toute seule. Je suis jamais armé, le bon Dieu veille sur moi, c'est le sentinelle. Je serai jamais en hess, même au heb, j'aurai de quoi cantiner. Vise bien la tête car la vengeance c'est qu'une question de centimètres. La capitale n'a d'autre personne, t'es parisien que cantiné. Ouais, ouais, ça fait des années que ça dure. On ne juge pas le cyborg à son ossature. Je veux faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. Faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. Ouais, ouais, ça fait des années que ça dure. On ne juge pas le cyborg à son ossature. Je veux faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. Faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. C'est la nocturne 100% rap français, Nekfeu. Nekfeu! Cyborg est dans les bacs. Bon, il paraît qu'il faut attendre un petit peu parce qu'il y a un morceau qui est caché, c'est ça? Ouais, c'est ça. Juste après ce ouais, titre? Ouais, c'est ça. Eh ben, attendons un petit peu alors. Après avoir écouté ce morceau, envoyez des messages là. Le hashtag c'est Skyrock, le hashtag c'est la nocturne 100% rap français. Vous l'entendez, il y a une ambiance de. Feu! Il y a une ambiance de feu, ouais, en effet. Dans la nocturne 100% rap français, on finit avec ce morceau et puis juste après, il y aura du son de Niro qui est sorti aujourd'hui dans les bacs. Roulez ! Enfin, j'aimerais commencer maintenant. En face d'une reine, j'aimerais m'asseoir sur ce trône. J'aimerais connaître sa station de trône. Mais je te cheveux derrière l'oreille. Mais je te veux et je t'aurai. Je la déshabille du regard. Je ne lâcherai pas même si tu me recales. Et là tu te retournes vers moi quand tu descends. Mais quand tu vois que je reste passif, tu repars. C'est loin d'être le premier défi qu'on te lance. Je suis fautif mais il faut dire que ta douceur décontenance. Tout seul j'ai perdu tout sens des convenances. D'où sors-tu, ta douceur tu. Mais la rime assassine si est dur. D'où sors-tu, ta douceur tu. Mais d'où sors-tu, ta douceur. Explicit lyrics, la nocturne. Roulez! Niro est dans les bacs depuis aujourd'hui. Grosse dédicace à Niro, voici Roulez! Paru par les bacs, je suis dans les loges, ta salope fait la E. Pourtant, elle va gratter d'alc. Y'a de la salade, porte la manque. Ramène, Warren et R.O. sous Henken. Jamais tu fais le fou, on arrive en moins de deux. On va te la rentrer de terre en 22. Roule un joint, on clenche la vitesse, mets les watts, mets l'essence. Tu veux du sang, tu veux des armes, t'en vas pas, je suis venu sans. Garde le silence si t'as rien à dire de plus intéressant. La plus grande erreur des gens bêtes, c'est de se croire intelligent. Si elle pense qu'elle est mieux quoi, c'est la douche, quoi d'engraissant. Même la moins cochonne en privé se met des watts dans gémissant. Même la moins cochonne en privé se met des watts dans gémissant. On commence avec la dalle pendant que certains ont fini sans. On lâche un roule. Allez rouler, rouler, je l'ai fait, toi je suis voulu. Tous les ghetto youth m'ont dit de rouler. Voulez, prenez-les, vous allez couler. Grosse paire de couilles, rentre pas dans sa jean moulée. Si je dois mettre un calibre dans la sacoche, c'est pour la famille. Je vais flipper la France quand je suis avec ton fils et un communiste. Blabla, j'ai ça, j'ai cité ma ski ta mère. On pense m'en faire des gros sous, sinon on va niquer ta mère. Bloc 9, il est dans le bloc, on a un terre. On sourit comme un témoin de Jéhovah sur le père. Ils veulent pas payer, faut pas parler prolifère. Passez par la violence, vous les verrez coopérer. Quand je vous écoute parler de vos trophées, je me dis, heureusement qu'on dit pas ce qu'on fait. Maudits sont les chiennes qui font des blés ici. Foulez, pareil la rue, c'est pareil ici, on lâcherait. Roulez, roulez, roulez. viens rouler. Marseille. Dans les bacs. Roulez. C'est roulé. Et on est là. Monsieur Caris. Monsieur Caris. Voici Chouin maintenant. Planète rap 100% explicit lyrics. Double X on the track. Zongo. Chouin, chouin, chouin. Chouin, chouin, chouin. La Gola, c'est peut-être une fille bien. Mais on préfère les chouins, chouins, chouins. La Gola c'est peut-être une fille bien. Mais on préfère les chouins, chouins, chouins. Elle veut le bouton, da, chouin. Elle veut mon boussin, ça, chouin. Vrai ou faux, ça, ça, chouin. Chouin, chouin, chouin. Je rentre avec DJ Maxa et Lottie. Tu t'assois sur mes cuisses, t'es surpiloti. Balle dans le chargeur, eh bien Lottie. Faut que je fasse rentrer des gros Loki. J'ouvre une bouteille, le bouchon de liège haute. Elle se retrouve dans l'œil du videur. Il se demande si je prépare une sauce. Je t'emmène dans le futur comme dans les visiteurs. Je traîne à côté de ton terche. Je sais que t'es pas ma go, go, go. Me demande pas ce que je cherche. Y'a un Pokémon go, go, go. J'ouvre l'aileron du Panamera. Je t'éblouis comme un Kamehameha. Elle me fait un striptease intégral. Je décolle comme ma cap canavéral. Je t'aurais même si tu fais blair. Billet vert en plusieurs exemplaires. Mon succès sera ta chute. Je dis pute. La go- pute. La Gola c'est peut-être une fille bien. Mais on préfère les chouins, chouins, chouins. Elle veut le bouton, ta, chouin. Elle veut mon boussin, ça, chouin. Vrai ou faux, ça, ça, chouin. Chouin, chouin, chouin. Elle est venue avec moi, pas avec toi. Tu payes sa conso, elle part avec moi. On est des blindes et tu débloques. Je te fais la danse, tu double fuck. Y'a tellement de boules dans le carré VIP. Je regarde plus gros, je suis habitué. J'ai cru que ce serait une grosse équipe. Mais c'est une go qui va me tuer. Elle me regarde, je la regarde. Elle sait que j'ai la trique, elle sait que j'ai le fric. J'allume mon joint, je suis fier de moi. Comme si j'allumais la flamme olympique. Mauvais garçon, cherche une fille bien. Des bons garçons, trouve que des tchouins. Ton gars là c'est une grosse victime. Il tiendrait pas une seconde dans le dos. Non, tout est falche, il prend de la créatine. Ouais, il a des putains de boutons dans le dos. Lâche-moi ce charclos, prends un dozo. Tu sais qu'il y a un graille dans mon vaisseau. La Gola c'est peut-être une fille bien. Mais on préfère les chouins, chouins, chouins. La Gola c'est peut-être une fille bien. Mais on préfère les chouins, chouins, chouins. Elle veut l'ouboutin, ta, chouin. Elle veut mon boussin, ça, chouin. Vrai ou faux, ça, ça, chouin. Chouin, chouin, chouin. Chouin, chouin, chouin, chouin. Monsieur Caris dans la nocturne, 100% rap français. Avenir, Ice MC, Emma aussi. Grosse dédicace au 5-9, Emma et Mo Trip. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Ice, dealer. H-A-Y, C-E. C'est une grosse pute, même si tu dis paye la dernière. T'es Lamborghini, elle dit pas merci. Je vais niquer tout ce que t'aimes faire de ta vie un cauchemar. Ne jamais tenter de détourner la go de l'MC. Je les découpe quand ça rappe, j'ai les manies d'un prince arabe. Je fais le tour de Panama en un éclair comme le prince noir. J'ai du débit quand ça rame, malin des lébis sur la rame. Je te rentre dedans même si t'as le gabarit de Brock Lesnar. Stress pas, trop ma clique, guette pas, trop ma petite. Tiens, ça pourrait terminer en stress pas, traumatique. Tic, tic, tic, je t'allume à l'automatique. Évite de m'écouter au volant si t'aimes trop ma zik. Fais-le pour moi, c'est. Je mène le même combat que Borsalino, Gasolina, flow, je vais tout exploser. La vie c'est un combat de boxe, mon bico dès la naissance on t'amène à la pesée. Est-ce que les hommes naissent libres et égaux en droit? L'intolérance nourrit l'esprit d'un mille et un facho. Marianne n'a pas le burkini face, il a un arrêté municipal et c'est le burkina faso. De toute façon y'en a tellement qui rêvent que je me casse les dents. Ma vie sera tabilise quand tu regardes passer le temps. Dans des guerres pour vos enfantillages et vos sottises. Bico blanco, blanco, je change pas le slogan. Hier n'existe plus, demain ne viendra peut-être jamais. J'ai leur tombé dessus comme l'orage pico, je dégage une rage en Algérien du barrio, je suis né le majeur en l'air. Je n'avais rien amigo, mais j'ai dû prendre la mer. Dis-leur que c'est no pay, no gain. J'ai t'apprendre à respecter la calèche, j'ai fallu le rappeler. Ces bico sont devenus des putes du Dallas. Dis-leur que c'est no pay, no gain. J'ai t'apprendre à respecter la calèche, j'ai fallu le rappeler. Les jaloux vont friser l'anorexie. Je suis cultivé comme si j'avais fait des années de médecine. Je vais vous apprendre à respecter maître l'MC. Fais pas le rappeur, t'écris jamais, tu penses qu'à ton textif, sale pute. Je suis pas de ces rappeurs qui se cachent dans leur studio. Je suis dans toute la France et j'enchaîne les selfies. Mon voisin qui m'a snobé toute sa life, entend ma voix hanter la chambre de ses filles. Même père de famille, je serai un bad boy, pas un pochetron qui tabasse sa fameuse sous alcool. Rebe, tu m'envoies des pics, tu devrais t'acheter des couilles. Je vais te tomber dessus comme la foudre avant de te finir au sol. Niquer des mamans dans le rap game, je suis bon qu'à ça. J'ai pas la même vision de la vie, pas le même pinceau. Je suis un vrai parisien déter comme mon patinceau. J'aurai mon couronnement royal à la Bocassa. Personne n'avait construit un hôtel rue de la paix. Vous êtes bon qu'à monter des bordels à la rue de la pompe. Arrête de tromper ta loca si t'as peur de la terre. Tu finiras chez ta mère à chialer dans ses jupons. Je suis un mec à part, je fais bande à part. T'arrêteras de me boycott avec une balle dans le corps. On te raid la carte. Je me demande encore si je suis vraiment un gros bâtard ou un mec en or. Big Lem, c'est hier. Hier n'existe plus, demain ne viendra peut-être jamais. Je vais leur tomber dessus comme l'orage dit quand je dégage une rage à plaire. Algérien du barrio, je suis né le majeur en l'air. Je n'avais rien amigo, mais j'ai dû prendre la mer. Dis-leur que c'est no pay, no gain. Je vais t'apprendre à respecter la calage, j'en fallait le rap gay, rap gay. Ces bigos sont devenus des putes du Dallas. Dis-leur que c'est no pay, no gain. Je vais t'apprendre à respecter la calage, j'en fallait le rap gay, rap gay. La nocturne, 100% rap français, Ice LMC. Allez, un petit coup de gradure, MHD. Oui. Hop là. La Planète Rap sur Skyrock. Turne. Et après Emma, t'inquiète, le 5-9 en force. Emma, Emo Trip, ça arrive. Rien ne m'arrête, revenez les haters, j'ai atteint un autre stade. On me suit, mon équipe ne change pas, j'ai la soif de vaincre et la baraka. C'est pas la chance, mais c'est Dieu qui donne. Ramène-moi un kilo, on en fait une tonne. 116, Nida, bon plan, j'ai bâti mon empire. Gradure, MHD, Alonso. J'ai les cicatrices que le temps n'efface pas. Je vais les fumer, j'arrive à rien entendu. Je me les frappe dans la lunette, je suis un peu toute catégorie. Je négocie un chocage, je retape les A. Je veux dire, c'est R.O., c'est la diable. Je suis dans la zone comme Never. Même gâté se soigner de Paname jusqu'à Schweizer. T'as rêvé IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme Never des Never. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Un Mathieu, un champagne, un magnum, oh blé. Oh blé. Toute la journée, à peine arrivé dans le VIP, je suis bourré. Si ma oh blé. Ça va noyer le carré, faut qu'il bourré. Je mélange vodka, tequila. Ça m'a rangé, moi je mis là. Elle est nebo, si je la dogine, je vais y aller profond comme la pila. Viens chérie, elle a que sur la bleuta. T'as rêvé, il fait que des restas. Elle est pétée, elle veut se frotter. Ça va dégainer les matures et les belles. Le magnum, cognac, belle, jacta. Oui, je fais la mala. Si t'es nebo dans ton puce, la 6.3, je t'amène en balade. Je suis dans la zone comme Never. Même gâté se soigner de Paname jusqu'à Schweizer. T'as rêvé, IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme Never des Never. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Un Mathieu, un champagne, un magnum, oh blé. J'arrive, je fous le spell. Ferme ta gueule. Tu me dis que tu es en couple. Ta gadji se sent seule. Je prends plus de belvédère. Je laisse ça à tes petits frères. J'ai baisé Rihanna sur la vie de ta mère. Je vis cher, je m'habille cher. Tu me chais cher, voilà tu vas prendre cher. Renegro, Django, Kodo, Gustavo Hilawendo. Chegué, dealer, y'a papé. Voyou comme Berlusconi. Donatella Versace. Veux que je passe au je suis dans la zone comme Never. Même gâté se soigner de Paname jusqu'à Schweizer. T'as rêvé IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme Never des Never. Une taille, deux tailles, trois tailles, Robla. Un Mathieu, un champagne, un magnum, un blé. Je suis dans la zone comme Never. Tout est près de Paname au NVR. Tous vos gars sont des suiveurs. Je suis dans ta et je retiens, ouais, c'est sévère. Tout pousse mignon, tout frais dans le carré V. Des grosses tailles et des tasses qui arrivent qu'on se vide. Prends le ticket pour entrer si tu veux qu'on t'invite. Pas, pas les coups de savoir qui t'es, je veux que tu la pipes. Une taille, deux tailles. Je fais la malade dans le club, oh bla. Encore une taille, y'a la deux tailles. Moi c'est bâtard qui bug, oh bla. Oh bla. On fait la div, y'a pas le même niveau. Tu veux check un de mes potos, j'espère que t'es prêt pour qu'il te casse le dos. Oh. J'suis dans la zone comme Never. Même gâté se soigner de Paname jusqu'à Chouetzière. T'as rêvé IP, tu peux pas me louper. Côté OP comme Never des Never. Une taille, deux tailles, trois tailles. Oh blanc, un Mathieu, un champagne, un magnum, oh blé. La nocturne 100% rap français. Allons faire un tour du côté du Nord. Miss Emma, Emo Trip, écoutez ce son en exclu dans la nocturne, maintenant. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Il s'appelle Gangsta Shit. Hey, baby, can you call me back? I miss you. I need some gangsta shit. De pleurer la pleine lune, je suis comme une loupe. Chérie, je vais t'appeler et plus d'une fois jusqu'à ce que je te trouve. Je t'ai dans la peau jusqu'à y laisser de tout petits trous. Y'a que la liste pour qui arrêtera tout, m'arrêtera sous écrou. Fume-moi, je te suis au grand méchant loup, au cœur de pierre. Au bout de la nuit, dans une clairière, je suis à bout complètement chez père. Je suis en venir à bout, complète qu'avec lui. Allumé pas à la bougie, à l'huile, mais au molotov qui lui dans la nuit. C'est possible, y'a rien. À part nos pires, on les a déjà tous. Ratatatatat. I need some gangsta shit. Some gangsta shit. And you the shit. And you the shit. And you the shit. C'est tout possible. Y'a rien qu'on rate. À part nos pires, on les a déjà tous. Ratatatatat. You need some gangsta shit. Some gangsta shit. And I'm the shit. And I'm the shit. And I'm the shit. Ma lune est humeur de bonnet. Le vent a tourné, tourmenté à la Lana Del Rey, je vais te malmener. Ça se voit jusque dans ma cornée que le tueur n'est aimanté. Même s'il y a que toi mon mal qui sait me mener par le bout du nez. Monsieur le, je suis trop débordé, moi j'ai tout le temps au bord des lèvres. De quoi faire déborder le cadre en tour complet comme dans mes rêves. On est complètement éteint, même en pleine journée. Y'a que la nuit pour nous rallumer, vas-y qu'on fait le plat, vas-y qu'on fait rouler. De toutes nos cibles, y'a rien qu'on rate. On les a déjà tous. Ratatatatat. I need some gangsta shit. Some gangsta shit. And you the shit. And you the shit. And you the shit. C'est tout possible. Y'a rien qu'on rate. À part nos pires, on les a déjà tous. Ratatatatat. You need some gangsta shit. Some gangsta shit. And I'm the shit. And I'm the shit. And I'm the shit. Au bord du vide, au bout de ma il vaut bande de suicide. Je vais te border de rimes, je sais broder des histoires de crimes. Sur les pages, cornes, écriture sacrée, contournée. Dieu nous pardonner, on l'attend sur les chemins détournés. Dieu seul nous guidera au réel cornu, mon amour. Overall tenu un jour, veut pas dire pour toujours. Au réveil des cornus, drôle de tenue, c'est dangereux. On se moque de la vie qu'on vient braquer sans retenue avant de se ranger. De toutes nos cibles, y'a rien qu'on rate. On les a déjà tous. Ratatatatat. I need some gangsta shit. Some gangsta shit. And you the shit. And you the shit. And you the shit. C'est tout possible. Y'a rien qu'on rate. À part nos rives, on les a déjà tous. Ratatatatat. You need some gangsta shit. Some gangsta shit. And I'm the shit. And I'm the shit. And I'm the shit. C'est tout possible. Y'a rien qu'on rate. À part nos rives, on les a déjà toutes. Ratatatatat. I need some gangsta shit. Some gangsta shit. And you the shit. And you the shit. And you the shit. Oh yeah. Gangsta Shit Emma, grosse dédicace au Nord, à Leslie Ja, à Daiwe, à toi Emma. 100% rap français. Shit. La planète rap. Sur Skyrock. Nocturne. Tiens, on va en profiter pour saluer Mademoiselle Shy. L'album est dans les bacs. Voici PMW. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai dédicace à Greg. Si c'est pour ma daronne, je peux crever le monde entier. Torchon dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Je vois gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu donnes le choix, on quittera pas le bendo. Plus si money weed et un tas de blame pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Mais qui a tort, sûrement pas nous. On essaye tout, tu vis sans tenter. Les petits ont des visions. Tu vois gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu donnes le choix, on quittera pas le bendo. Plus c'est money weed et un tas de blame pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Plus c'est money weed et un tas de blame pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. La nuit. 100% rap français. La nocturne, Shy. 100% rap français. Voici Mademoiselle Sienna maintenant. Bouteille à la mer, Sienna dans la nocturne, 100% rap français. Comme une bouteille à la mer. Mais t'inquiète, ça va aller. Les pieds sur terre, la tête dans l'espace. Les balles pleuvent sous un ciel dégagé. Dégagé, calage est chargé. Si t'es en batterie, fais poteau, tu vas charger. La rue est traite comme mes ennemis. Ils ont dépassé les limites. Ouais, faut que je les élimine, mec. Ouais, faut que je les élimine, mec. Entre la vie et la mort, y'a que 9 millimètres. La vie, ça te tue, ça torture. Mental d'acier a fini tordu. J'ai perdu des êtres chers. Et je parle pas de leur fortune. Je vais là où le vent m'amène. Oui, comme une bouteille à la mer. Tu sais, je vis au jour le jour. Mais la routine a fait que c'est la même toutes les semaines. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Dans les histoires vagues, je navigue. Je suis perdu comme une bouteille à la mer. Par en balade, la tête m'a rendu malade. Ce que tu t'auras la maman, j'ai du mal à dire ce que je ressens. J'ai du seum en moi, pas dans l'emballage. Le roi se pousse quand je rentre dans l'arène. La tête, c'est mon château et sur le terrain, je règne. Ouais, sur le terrain, je règne. J'accomplis mes rêves de gosse, j'oublie que je sois être une gosse de rêve. Ouais, il faut que je me barre de là. Il est temps de sonner l'alarme. Marre de vivre sur le fil du rasoir. Faut qu'on s'taille avant que le fasse l'alarme. Elle a peur que tu finisses dollar. Car si elle pleure, tout est dollar. Tout est dollar, tout est dollar. N'achèteront jamais, jamais une seule larme. Je vais là où le vent m'amène. Oui, comme une bouteille à la mer. Tu sais, je vis au jour le jour. Mais la routine a fait que c'est la même toutes les semaines. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Dans les histoires vagues, je navigue. Je suis perdu comme une bouteille à la mer. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie dans les histoires vagues. 100% rap français, Sienna. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, Charlie, je t'aime. Charlie. Il y a des mecs bizarres qui dédicacent à Charlie en disant je t'aime. Chacun est responsable de ses propos, hein. Je rappelle, dans la nocturne 100% rap français. En tout cas, une grosse dédicace à Sienna qu'on écoutait à l'instant. Planète rap. Voici Tito Prince dans les bacs aussi. Tito Prince, grosse dédicace maintenant. 100% rap français. Tout à l'heure, il y a une session classique qui arrive. Tout ce que tu me donnes, père, tu m'as donné cette force à l'intérieur pour dominer sur le monde. Mais t'as vu la vie d'un jeune parisien, c'est wow. Mes amis s'en fichent de tes principes, bon, ils veulent les faux. La rue me demande texte, saute pas m'éloigner de trop. Mais mon intellect n'a pas de couvre-feu. Oh non, maman dit que je suis ton image, ta photocopie. Vas-y, montre-moi que je leur dis. Comme toi, je vais faire fuir mes ennemis. Abadadi. Daddy, oh, montre-moi. Daddy, daddy, daddy, oh, montre-moi. Abadadi. Daddy, oh, montre-moi. Daddy, daddy, daddy, oh, montre-moi. Papa, montre-moi. Papa, papa, montre-moi. Abadadi. Papa, montre-moi. Papa, non, papa, montre-moi. Montre-moi comment faire pour que les passants me souris comme quand j'étais dans la poussette. Montre-moi comment convaincre un sceptique. Montre-nous comment tu fais pour combattre tous ces reptiles. Dis-moi comment faire pour pas prendre l'eau et que le navire retienne devant un diablo. Dis-le que tu nous as fait grave costaud et que c'est lui qui a peur de tes costauds. Maman m'a dit que je suis ton image, ta photocopie. Vas-y, montre-moi que je leur dis. Comme toi, je vais faire fuir mes ennemis. Abadadi. Nocturne 100% rap français. Dossé, Nekfeu à écouter maintenant. Ouais. Après, Tito Prince qu'on salue, qui a sorti son projet. Grosse dédicace à Tito Prince. La Planète Rap sur Skyrock. Nocturne. ハイクラッシュファイターの音楽 Lossa, dis-moi quel est le fuck. Dis-moi pourquoi les gens sont autant dans l'abus. Est-ce que quand un curé pédo touche un gosse, on demande aux chrétiens de France de sortir dans la rue? Liberté, égalité, déjà j'y crois pas tant que ça. Mais alors fraternité, c'est clair qu'on attendra. Crois pas que les Français sont tous, ils sera plus les attentats. Y'en a pas mal qui l'étaient déjà bien avant ça. Lossa, je vais dire quel est le blême. C'est que par les temps qui courent, réveiller chaque jour est un cadeau hors de prix. D'où leur viennent leurs armes, qui est-ce qui leur refourgue? À qui profite le crime, à qui profite le i? Et pourquoi je doute de chaque version officielle, de l'efficacité de l'état d'urgence et de vos fiches S? Et pourquoi quand quelqu'un se fait agresser dans le trône, avant de lui porter secours, ils sortent leur iPhone 6S? J'ai du mal à m'embattre les couilles de ce qui me dépasse. L'histoire nous a montré qu'ils sont prêts au pire des crasses. Stratégie de la peur pour faire consentir les masses aux sales qui vont perpétrer sur le reste du globe. Et toi rien que t'avales, et toi rien que tu gobes. T'es concerné que quand le sang t'éclabousse les potes. Pour que tes plaies se résolvent, t'as qu'à te foutre en l'air. Canon sur ta tempe, presse la gâchette du Glock. Un jour un ami m'a dit, ton problème c'est que tu rappes trop fort. Tu gaspilles ton énergie pour tu. Tu donnes du caviar au porc. Alors j'ai dû simplifier mes écrits. Mais y'a des fans qui sont pas d'accord. Ils réclament du dos, c'était à l'époque. Désolé, mais la loi du plus grand nombre l'emporte. Losa, dis-moi, quel est le fuck? L'underground remplit ni les poches, ni le but des gosses sur la vie de mes proches. Quand on veut être un boss, on s'inspire des boss. Les fucks sont-ils vraiment tous gays? Pour qu'on dise pédé comme un fuck. Je me pose la question pour vrai. Ça m'intrigue, nigga, what the fuck. J'ai un problème avec ce game qui me sous-estime comme Marais à l'OM. La grosse crise identitaire que traverse mon peuple. Les négros sont prêts à croire en tout sauf en eux-mêmes. Sur tous les continents du monde, les miens sont dans le mal. Ma terre n'est pas pauvre, non, c'est qu'on l'appauvrit. Là est toute la nuance, est-ce que tu m'as compris? À très haut risque est la mission que j'accomplis. Bref, fais-toi ma belle. Quel est le problème? Tu croyais connaître les hommes? Hein? Allez, essuie ton rimmel. Lis des poèmes, dans quelques mois c'est les soldes. Dis-toi que la next time tu devras juste être plus vif. Tu as une histoire d'amour, c'est un poison mortel. Dont le seul antidote, c'est l'histoire d'amour d'après. Donc si j'enchaîne les histoires, c'est juste pour survivre. Losa, dis-moi quel est le fuck? Quel est donc ton foutu problème? On vit une putain d'époque. Je n'y vois aucun foutu problème. Losa, dis-moi quel est le fuck? Quel est donc ton foutu problème? On vit une putain d'époque. Partage le gâteau avec tes gars, même si ça te fait qu'une part. Tellement de tâches, je ne nique plus de te plus, suffit qu'une balle. Pour entacher ta répute, pare et t'arrête plus car. Dès que t'acceptes un service, ça te tue plus vite qu'une balle. La vie c'est comme un running, sous la menace d'un prolicat. L'ancien moi je le renie, il n'en reste qu'un reliquat. Violent comme un rolling, stone sous zéro inga. Stop, je trouve le prix Nobel ironique quand je pense au Rohingya. Losa, dis-moi quel est le problème? Ils ont toutes sortes de plans pour mieux confiner nos rêves. Je dis ce que je pense, après j'ai des problèmes. Une nouvelle sorte de plan venu confirmer la règle. La flamme du FN sur le mur et ma jeunesse qui se consume hurle. Faut-il qu'on les brûle pour qu'ils finissent dans une urne? Fuck, moi je veux toucher tes 5 sens. Je suis plus à l'école, pourtant j'ai toujours des absences. J'accompagne mon sahab à la skémo. On est vendredi, après on dînera chez mon zinc pour Shabbat, voilà skémo. On cultive honneur et fraternité, les jeunes savent. On ignore les discours de leur intelligentsia. Mais ça veut pas dire que c'est nous contre, non? Engrainer les petits, c'est moins contraignant que d'imiter les gens sages. Quel est le foutu fuck? Devant Dieu, y'a pas de number one. J'essaie juste d'être un number one. Devant Dieu, y'a pas de number one. Boy, j'essaie juste d'être un number one. Devant Dieu, y'a pas de number one. Yeah. J'essaie juste d'être un number one. Dossé. Devant Dieu, y'a pas de number one. Boy, sur l'album Yuri. Hein? Yuri? Hey. On va écouter Niska et après on bascule en classique. Ouais, les classiques. 100% rap français, 100% classique. Planète rap 100% explicit lyrics. ma musique, je suis une superstar. Tu peux demander à ta sœur, je lui boufferai la touche. Si elle fait des chichis, ben elle sera peut-être fidèle. Pas tant des salades, ne pas chinois. Non. Comme un vrai charo, je déploie mes ailes. Posé dans ma jungle, everyday. Récolte ce que l'on sème, je fais du blé. Regarde nos fringues, c'est du vrai. L'équipe, elle est deep, on est prêt. Commando, Niska. Est-ce que vous êtes prêts pour la session classique? Est-ce que vous êtes prêts pour la session classique? Non. Non. Je répète, est-ce que vous êtes prêts pour la session classique? Non. Tant pis, ça commence maintenant. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Dédicacé à ceux qui rappaient sur beatbox. C'est pour le N3. Le 20-1. Et tu le sais. Pour le 7-7. 1 pour le Nesby. 2 pour le 7-8. Le 91. Laisse-moi kiffer la vibe. C'est pour Neuro. 92. Répétez les watts pour 95. Ouais. Calmement. Hey, le 3 connection, baba. Bonne mais l'attitude de MIC, je tire de suite encore titube. Catastrophe, je veux chanter mon titube. Je lâche jamais ses skuts en direct de la banlieue sud. Dans la plaque, 9-4, arrive à Bastille aux Champs-Élysées. Rafale verbalisée, baisse les vides, fais les baliser. Le Val de Marne, mon deuxième pays. J'escalade de mon mairie, atteint le sommet, l'abbaye. 94, me skeuton, accueilli avec des projetons. Ce que con, des combats de bite, qui guisent leur chicot sur le béton. Sorti du dépôt, je remets mes lacets au palais. Y'a pas plus chum, vos balcons, je m'arrache à la ville du joint, joint pile le pont. Dédicace au sablier, malgré un manque de respect en boîte. Je reçois un verre dans la bouche et je te couche avec une droite. Je connais qui, c'est pour mon équipe des bordières. Bellax, Bibax, la section, des crapulax, des petites excursions. À 300 km dans les rêves en forêt. À Forger du Tcherno, des tripes en carton à la mettre à saison foire et techno. Fuck le techno, la musique est droguée. Par les lassos contre un portable, mon album se fait troquer. En calèche, les graines du bitume ont fleuri. Évasion à la calèche à freine, c'est pour le D1 à fleuri. C'est pas la fleurie, ça frôle la folie. Cagoule brolique, derrière les thunes comme un chien derrière les folies. Foulette mais toujours poli, solide à bord d'un poli. Coup de frein à main avec une handzette un peu jolie. Ça tombe pas pour viol ou des coups de pérave, que des trucs braves. Voilà mon treuil, c'est la chourave avant la pique grave. Pour les gros et les petits torses, 94. La gros LFL en Corse, 94. Armement avec une entorse, 94. C'est que l'union fait la force, 94. Tension et rapport de force, 94. Arme blanche, monnaie fausse, 94. Charge d'un rhinocéros, 94. Roue arrière en CBR, beau gosse, 94. Cacahuète, balayette, pirouette. Besoin de renfort aux alouettes. Tire derrière les volets, ta fenêtre, c'est pas net. Aux planètes, maison Alfort, ville et les banlieues limitrophes. Mes rimes défilent, c'est pas du morse. Morse, c'est catastrophe qui t'offre un tour dans le coffre. Coffre, mon CD, en retour de père, mon semi-liberté. La vraie richesse est dans le dîme, corrige ton orgueil. Pense plus à la mort, à l'accueil, dans le cercueil, y'a que la deuil. Au braquage de la prime, ça accueille, t'as la hit, c'est le mythe. Certes, tous se font désarmer, mais noter les Schmitt, c'est le mythe. Essaye franchir notre seuil par bicêtre. Avec un peu de chance, les martinets font preuve d'hospitalité. Sinon, pas loin, les urgences pour te faire hospitaliser. Électrochoc, scalpel, aussi vont te brutaliser. Tout scolarisé, à l'école, la rue est vers l'or. Une vie juive, s'alcooliser, fumer en avoir un grain, finir à ville juive. Devenir la risée, des sales gamins. Détruit par la tôle, la fiole, faire des sales gamins à la trentaine. Se mettre en cavale tout seul, s'appelle la dette. Sur une 103 avec un 12, un pack de 12 d'Enken. Yeah, qui tape un poste, tape une poste. Fais mal au crâne au chef de poste. Y'a pas de barfure, nous ça riposte. Yeah, nous arriverons jamais à la cheville, t'as eu. J'connais, j'vis la rue. Et l'Ozel à Martine, jusqu'à cheville la rue. Sur la N7, accélération. Pour la 9-4, célébration. Moteur bloqué en agglomération. Même les montants freinent, pas d'amélioration. Malgré Sarkozy, le pisson la rose. C'est pour les cités de freine, et là il est rose. Le 9-4, des fois, aille dans le champ. Pris en chasse de cachant, attire les grands champs. Sous le capot, c'est l'hippodrome de Longchamp. 4 sorties de peau, des étalons et des longues jambes. Yeah. Pour les gros et les petits torses, 94. La gros LFL en Corse, 94. Armement avec une entorse, 94. C'est que l'on fait la force, 94. Tension et rapport de force, 94. Arme blanche, monnaie fausse, 94. Charge d'un rhinocéros, 94. Roue arrière en CBR, beau gosse, 94. En plan enfonce comme un zamel, défonce comme le zamal. T'arrives de port de choix et canon de chaque ou artisanal. Y'a que les montagnes qui te rencontrent pas, la pompe à essence d'ivry. Conduis ton état d'ivresse sur le son, mafia cafri. 9K ton pire ennemi, plus chaque mescrine ça part en vrille. À la cité hoche, les pyramides, barbus d'ivry ou de vitry. Ville de communiste, même avec Tati la vie est triste. Toute la jeunesse au Habs, rien que des récidivistes. Un hit braqueur, dragueur, même les ripoux et les femmes flics préfèrent bosser dans le secteur, se faire chienne par leur époux. Criminel pour choisir Gabriel, j'interdis. Là où ça me saute du 4ème étage, je prends la bague, attaque au bélier. Je prends en otage le rap français. Je mets mes paroles comme au sol, la sablière, Alfred de Musset. Passe le salam aux cités Villeneuve, le roi, Saint-Georges ou bon oeil. Joue pas l'américain, les mecs verront toujours d'un bon oeil. Enferme les chbelles, les poucas, faut les humilier. Tu me dis grave, aide-nous, tiens, coup de genou pour filer les sublimes. Si on bruit entre cités, faites la paix. Le commissariat craint les meutes au bois, la paix. Là, les bananes comptent, mais ça baisse tout, même Geneviève de Fontenay. Sucy, Boissy, Neuilly et le Val de Fontenay. J'étais aux eaux de Vincennes pour un parloir sauvage. Je fais les fils, surveille pour Charenton et Limay. Stopper les teintures et la laque, ça fait fort au bœuf aux plaques. Cramer ta poussée chez Watt, pour te mettre torse nu au lac. Joue pas le fou, mec, à la Bélec. Quand tu vois marcher seul, Créteil, Soleil ou Bélec. Pour les gros et les petits torses. 94. Ça boule à l'FL en Corse. 94. Ça m'a vécu une entorse. 94. C'est que nous on fait la force. 94. Dans ce rapport de force. 94. Arme blanche, volée fausse. 94. Charge d'un rhinocéros. 94. Fond arrière en CBR, beau gosse. 94. Pour les gros et les petits torses. 94. Ça boule à l'FL en Corse. 94. Ça m'a vécu une entorse. 94, c'est plus la force. 94, ROH2F, session classique, c'est parti. Dans la nocturne, 100% rap français. Tiens, on va aller faire un tour à Sevran. Ouais. Planète rap, 100% rap français. Yeah. Les singes viennent de sortir du zoo. Caris. Sortir du saut. classique 100% rap français, Caris, Zo. Les messages avec le hashtag La Nocturne, le hashtag Skyrock. Vous êtes chaud? On continue pendant une bonne heure. 100% rap français. Non? Oui. On est chaud. Oui. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Ah oui, oui. Les singes viennent de sortir du zoo. Planète rap 100% explicite lyrics. Qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce pognon? 100% rap français, la nocturne classique. C'est ma question préférée. Les presses, on se connaît. Anti-HS, on se connaît. J'ai des gros bras, la charte à Popeye. Crache-moi dessus, je te lance une bouteille. Difficilement, je trouve le sommeil. Menton pointé vers le soleil. M-O-L-O-D-O, des cocktails. Je te baisse, je te laisse à l'hôtel. J'passe au Lamborghini, mais pas que fantôme, tu restes à l'hôtel. J'suis dans le textile, Sonia Riquel. J'ai Albis à l'américaine. J'me taperais bien une dominicaine. Ça mettrait yum tout le week-end. Ça mettrait yum tout le week-end. Downtown, j'ai vu sur Riquel. Voilà, j'suis frais, j'suis nickel. J'ai allé high plane, j'ai un habituel. J'parle comme à Romain Michel. T'as le soir, reste à Chatistel. Fortuné, t'as Elfa Guitaine. T'es sur le banc, j'suis carapitaine. Montre entièrement lunettes de soleil. Sors les cages comme à Marseille. Ma question préférée, qu'est-ce que j'vais faire? De tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Moi et les rayons, on part sur la lune, amuse-toi bien en heure des Moselles. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. De 7-0 toujours plus haut, la République me suce le tuyau. Monsieur l'agent, j't'enfonce le triangle, c'est France. Et le gilet fluo, je veux faire des sous, mais je suis paresseux, j'aime pas ta gueule, je te baisse ta receuse. N'ai confiance pour mon désert qui gueule. Et en zizou dans les arrêts de jeu. Elle est dans la chambre, elle est sous les draps. J'ai des jambes à la place des bras. Elle pense que je suis en train de la doigter. Lui mets mon gros doigt de pied. Mes deux questions préférées, qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Si je te fends le crâne en deux, quel œil va fermer le premier? Continue à glousser, je te fume et je roule à trois feuilles. Tes ongles, continue à pousser, tu pourras griffer ton cercueil. Que c'est que j'ai la brosse qui tue et même ton corps reconstitué. On ne sait toujours pas ce qui tue et ta grand-mère la prostituée. Montre en diamant, lunettes de soleil, sors les cages comme à Marseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Moi et les rayons, on part sur la lune, amuse-toi bien. En heure des Moselles, ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, si je vais faire de tout cet oseille, je ramasse deux trois galériennes, partie de jambes en l'air, punchline anti-aérienne. Si je lâche des paroles en l'air, laisse tomber, moral c'est la guerre. Le motif du crime c'est l'envers, nique sa mère même, c'est que ça génère. La juge m'a dit que j'exagère, mais nique sa mère c'est elle aussi. Son arrière grand-mère aussi, Anna envie à ses hommes, leur neuf et bonne à mienne aussi. Scène du crime c'est moi le rarty, j'suis en couleur t'es mal sorti. J'suis Marlo Sten, file ta mère la hyène t'es mal le dit. J'te nique ta life gratuit y'a pas quoi, j'suis le meilleur c'est la patoie. P2OPA, escroc mafieux comme j'ai rapace quoi. Vulgaire, faute de grammaire, sirop du jack de grosse marmette. Voyage en jet, prends l'euro tunnel, j'me sens comme dans la chatte à ta mère. Montre en diamant, lunettes de soleil, sors les cages comme à Marseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Moi et les rayons, on part sur la lune, amuse-toi bien en heure des Moselles. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille, hein? La nocturne classique. Ouais. Eh, c'est pour ça là, c'est pour toi. Là. Planète Rap sur Skyrock. Nocturne. Change in your Uber. Hey, original brand new thing. À quoi sert d'être célèbre? À quoi sert d'être célèbre? Come in! En plein au score, on n'est pas mon genre. ça va sans dire, j'ai jamais bossé. La chose, c'est ma vue grandir, j'ai toujours osé poser mes tripes sur la musique. Plutôt crever que t'en faire l'usine. La luxure m'aura l'usure peut-être. J'suis jamais cuit, même quand les poulets me cuisinent. Moi, j'veux devenir ce que j'aurais dû être. J'ai jamais su ce qu'était mon rôle dans la vie, à part être riche, avoir une viole à Miami Beach. Aider sa mère et l'aimer avec un cœur éternel. Ne pas prendre perpète comme Bernet. Je vais déployer mes ailes, foncer contre quoi encore un BC. Cerveau blessé, bombe vers le ciel. Dites bonjour au banlieusard, fidèle au poste. Demande à la SACEM qui est le boss. Si mon parcours n'a rien d'héroïque, ma clique est sous contrat, la tienne sous zéro. À quoi sert d'être célèbre? Air Force 9, pas d'Adidas. Alerte au bling bling, bibi bibi biatch. B2O, chef de gang sur bateau d'esclaves. Laquelle de ces rappeurs veut tester un MC de Paquen? Ici je suis en visite, Laurent Visu. J'arrive en visite, brisé, il repart en visite. Ça capitule dans l'industrie, c'est la crise. Je m'arrête au feu, les MC lavent mon pare-brise. Ni deux, ni une, aucune apparition sans hémoglobine. Vers la fin de ton film, rends pas les rembobines. Je défrais pas la chronique, je la fume. Si j'avais la thune à Beckham, sa femme serait ma bonnie. Mon fils à l'école, tu seras imbattable. Si tu échoues et que je pars avant toi, prends mes sous, jette ton cartable. Et je m'imagine en train de fêta. À 2,50 sur le droit chemin, en voiture péta. À quoi sert d'être célèbre? D'être célèbre sans le mériter, j'ai toujours la vérité pendue au bout des lèvres et le passé me suit. De jour comme de nuit, je sais pas dans quel état je vais arriver au bout de mes rêves. J'ai le cœur solide, j'ai les mains pleines. Quand elles seront vides, me diras-tu que tu m'aimes? Votre système, je n'y crois pas, non, sans faire accès, non, moi je n'y vois pas. À quoi sert d'être célèbre? La nocturne 100% rap français, 100% classique. Trait d'union, Booba, au bout des rêves. Une spéciale pour Bilal. On va l'écouter maintenant avec Zampa dans la nocturne 100% rap français. Yanis, on dédicace ou pas? Bilal. Bilal sur Skyrock maintenant. On pense à lui, le poteau Bilal. Dans le rap y'a trop d'ego quand on oublie d'être sympa. On se fait monter la tête, on sait même plus pourquoi on s'aime pas. Ils veulent nous faire croire que ça plaisante pas, que l'exemple s'appelle Zampa. Vaut mieux pleurer dans un palace qu'avoir le sourire en Xantia. La rue nous a à l'usure, la drogue, le bif, la luxure. On se voue corps et âme dans le haram à croire qu'on a rien trouvé de plus sûr. On fait du mal à la madre, incapable de lui dire navré. On la laisse seule avec ses blessures. On trouve même plus le temps de ramen. Tant comme toi je veux m'en sortir. Envoyer mon passé au hammam. Mais je me console en disant que y'a pire. Tous foncent des janvier à des embauches les gaz. Et quand qu'on se repent, je les ai vus monter pur descendre. Ce qu'il qui donne, c'est Dieu qui reprend. Je pense à arrêter le rap. L'envie me prend depuis 2010. Passionné, j'arrive à. Même si je ne vends que 1010. J'ai vu ce qu'il fallait pas voir. Cru en ce qu'il fallait pas croire. Je me suis trompé de rêve en fait. Je me sens très bien dans le noir. cherchez pas ce que je mérite. Encore moins leur disque d'or, mais je suis sûr d'une chose, c'est que le destin n'a jamais tort. Je suis perdu entre le din et le deal, entre la mec et Medellin. Comme Carlito, je suis dans l'impasse entre Tupac et Menelik. Je suis à deux doigts de fondre en larmes quand je vois l'innocence. Mon fils, je lui dis petit, néglige personne. C'est pas ce que te réserve la vie. Un jour à patte, un jour en paix. Comme un jour tu chiales, un jour tu ris. Comme surtout mange pas à sa faim avant décembre, la pique crève la dalle. On n'a pas la panse de ce pas de jarrer, nous on préfère faire les grossistes. Mon pote m'a dit bouge pas, j'arrive. Deux jours après, il fait les gros titres. La rue, c'est pas ta mère, elle te lâchera tôt ou tard. Fais-toi une raison en cellule, on tourne en calfon. On s'y croit comme à la maison. À l'aise, il pleut des cantines, on dépanne nos anciens grands. C'est malheureux comme ces longues peines qui parlent encore en ancien franc. Pseudo blindé du placard, on connaît votre coucher. Fin de parloir, le refrain du crevard, c'est Wallah que j'ai pas touché. Une fois dehors, toujours la hesse, le bitume règne aux canines. Comme moi, tu sais qu'on serait un serpent au bras quand ces boîtes d'intérim. La routine nous abîme, il est dur ce retour aux abîmes. Pourquoi se mentir depuis notre jeune âge, c'est cet argent sale qui nous habille. On regarde plus le sol que le ciel, mais on fait glisser dans la merde. On rêve de crustacés, de champagnettes, ivre, pisser dans la mer. On bicrave toutes sortes de drogues, on s'est même mis à vendre la mettre. Faire les beaux devant les nymphettes au lieu de prier vers la Mecque. On est perdu, on a que le haram comme GPS. Mon pote d'enfance voulait des thunes, il a fini DPS. On veut rouler en Merco Benz, on refuse de rester à l'Opel. On a trop d'ego, tu nous connais, on laissera passer la salle OM. On se ment à nous-mêmes, être heureux c'est super simple. Faut penser à rester humble, à la prière, à en faire 5. On a zappé l'essentiel, on va crever, on va rendre des comptes. Bref, on est, on vit, on meurt comme des cons. La nocturne 100% rap français, ouais. Sur Skyrock. Yeah. Dédicace à Bilal. Et voici Monsieur Lacrim qui est sorti. Bracelet, bracelet. Dédicace à tous nos potos qui sont à Fresnes, à tous nos potos qui nous écoutent en Zonze. On est là. 100% rap français. Atomique, à bête de corps, une parole de fusil. J'ai le bracelet électronique, sinon je serais déjà parti dans les îles. Je veux une salope comme Clara Morgan. T'as envie de baiser, j'ai lu dans ton regard. 69-890, bâtiment B posé dans le calme. Le matin, je descends dans la promenade. Je suis cette barre de fils de pute. Je veux la directrice dans un convoi avec Félix et Sau, faire sauter le bus. Dehors, ça complote, on va te fumer. Un jour de pluie, te laisser par terre. J'aurai un alibi, je serai à Miami sur un jet ski sans départ. T'aimes c'est si t'aimes je vais te faire. La com est pas fait pour décevoir ses frères. Tu me donnes un tuyau, je vais te faire l'affaire. Je donnerai pas ton nom si le procureur m'enferme. Je suis tellement fier. 10 millions je suis très pas de bite. On dit que le diable m'habite. Connais toute ma vie. Que le doute navigue dans toute ma vie. Mon automatique va les faire changer d'avis. Oh, toujours au vieux flow. Pour le fils de pute et les donneurs d'ego. Je pense à mes rôles, toujours en cage. C'est beaucoup des rêves à convertir en cash. Clique ma page, on écrit ma rage. Ton pote le voyou va devenir l'otage. Besoin de tuer ma rage, un bon massage à bord de la plage. Ouais, ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Karim, t'es de retour. Yeah, il est sorti, Karim. J'suis pas Messi, je viens du 9-4, je me suis fait tout seul. Donc je prends tout, je dis pas merci. Espèce de fils de pute à sucer. Y'a des locations qui sont pucées. C'est les vrais qui font que j'ai du succès. J'compte à des vrais tueurs quand même, tu sais. Des modeurs quand tu as des couilles. Ça c'est pour la vie. Mais comme t'as donné ton petit cul, tu seras jamais mon ami. Poto à 23h, je bois du champagne. Foie gras, pas de Springles. T'inquiète mon frère, j'suis toujours le même. Calibré comme un Lincoln. Ils parlent tous de moi comme pour Carlos. Bécan, poto, vamo. J'te laisse sortir devant chez toi. T'es mort devant la porte de ton cabos. J'ai jamais sucé, j'ai jamais violé. Jamais de billets gris que des billets violés. Sale fils de pute, vous êtes démodé. C'est quoi cet talon, j'vais la démonter. J'suis parti pour tout baiser. Des chartes, des chiffres jusqu'à TVC. Dans la rue, sur mes couilles, quand j'ai tout misé. Comme une carapace, pas besoin de savoir viser. Tout le temps, j'suis steppé. De toutes tes couleurs sont mes yébis. De toutes tes couleurs sont mes amis. Russie, Bastia jusqu'au Mali. Bah, tu saisis, nique ta mère. Je représente les vrais frères. J'suis déter. Y'a mon album qui va sortir. Moi, dans mes cons, c'est lunaire. Avant d'aller au prétoire, j'fume un joint d'herbe. J'me rappelle que je peux mourir avant d'avoir l'âge de mon père. Quel enfer, faut se battre pour avoir la foi. Tu me fais jouer comme une arme avec moi. On est simple, on le plaisante pas. Sur la tête de ma daronne, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas. Une grosse dédicace à la crime, il est sorti. Il est là, il arrive quand, Greg? 2017? Greg, 2017 ou pas? La crime dehors! Merci. Mon Glock te met à genoux. La nocturne classique maintenant. T'as pris des pecs, tu veux me faire la guerre, mon cœur te mettra à genoux, non, mon cœur te mettra à genoux, non, mon cœur te mettra à genoux, te tiens en promenade et tu me croyais mort, non, mon cœur te mettra à genoux, non, mon cœur te mettra à genoux, non, mon cœur te mettra à genoux, y'a pas de hasard, y'a que pas de rêve, mon cœur te mettra à genoux, non, mon cœur te mettra à genoux, non, mon cœur te mettra à genoux, je relève les comptes et tu vois des sous, non, mon cœur te mettra à genoux, non, mon cœur te mettra à genoux, non, mon cœur te mettra à genoux, je pas la perle rare. Va niquer ta mère, j'emmerde le rap. C'est moi que les keufs appellent l'arabe. C'est moi qui vais t'allumer ta race. Pourquoi sont-ils mauvais? Il faut les voyous mais sans lever. Je laisserai jamais partir en paix. Parole du premier bâtiment B. Là, j'suis sorti, ça part de là. Dédicace à lui, là, tous mes braves. Qui m'ont dit la prime, perd tous ses traces. Quand tu pars de la rue, mais rien plus grave. Va donc surveiller ta soeur, la chaîne. Tout le monde est chaud, ce soir, il gèle. Gros, n'avoir qu'une, c'est ça que j'aime. Et qu'est-ce que t'as tout carré sur sa chenette? Oui, oui, je me dis cache, c'est la épicine. Oui, perpétre des homicides. Oui, je peux garder toutes tes salopes. T'en avoir avec mon missile. Oui, on a les vrais bonhommes avec nous. Oui, ceux qui suivent te brisent avec vous. Oui, tous les hommes meurent, mais peuvent vivre vraiment. Vous dites que je parle avec vous. T'as pris des têtes, tu veux me faire la guerre. Que mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a que pas de rêve. Mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Je relève les comptes et tu dois des sous. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Je fais pas dans le détail. Casque intégral, une grosse bécane. Bang, bang, bang, la crème, c'est wham. Pas de diplomatie, je suis une racaille. La crème. Aéro, car le drapeau. Couleur billet sans couleur drapeau. T'as fait sa bip, moi sans braco. Dormi dans les hôtels de Monaco. Bref, ce sont tous des chiens qui aboient. Les gars, on leur nique leur mère et y'a toi. Mon accord, je t'aide comme on fait par toi. Connard, je veux te voir te rentrer des toits. Écoute, t'es détoit. T'as son de bâtard. De moi le tuyau, j'attache au Qatar. On a passé là, je te fais des bâtards. Cousin, salut ta mère, je rentre au placard. Tu vis des chiffres, des chats au parloir. Pas d'eux qui me rendent pas ton par moi. Des milliers de têtes remplissent mon armoire. Des vrais qui me font que penser à moi. Je ne suis haï que chez les faux. Je suis sorti tolérant chez les gros. Seul sur la route et je roule sans rétro. Aimé par les pros, aimé par les gros. Mon Glock te mettra à genoux. Classique. La nocturne. La crime est de retour. Eh papa, papa, papa, t'es de retour. À la crime, il est sorti, ça fait plaisir, on l'attend en 2017. Je suis qu'un thug, ouais. Tu fais ça, tu me cherches, tu sais où me trouver. Je suis qu'un thug, ouais. Même si t'as le pare-bas, je vais quand même te trouver. D'où je viens, tu connais, je n'ai rien à prouver. De love. T'as le permis de poucave, j'ai le permis de tuer. C'est la guerre. Frérot, qu'est-ce que je vaux? Ils veulent me tirer dans le dos. Tous avec le par l'ego. La crème est venue tout rafler. t'es qu'un rigolo. Pas de cadeau, fume le négo. J'ai grandi dans les affaires, nique ta mère si tu penses nous la faire. Tu sais que rien n'est offert. Tu vas goûter le famas. Il est mort à l'autre à qu'est nos verres. Lunettes sur le nez. L'album il sort en été. Dis-leur Jamel, ils m'ont plus que leur mère. Elle ressort pour un vrai commuté. J'ai des couilles, des grosses cases, des gros billets. Jamais dévié. Jamais comme moi en cité. Y'en a des milliers. J'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, ouais. J'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, ouais. Tu fais ça, tu m'es cher, tu sais où me trouver. J'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, ouais. Même si t'allais par bas, j'vais quand même te trouver. D'où je viens, tu connais, je n'ai rien à prouver. Des love, des love, des love, des love. T'as le permis de poker, j'ai le permis de tuer. J'veux faire le tour de la terre. Refrain ici, c'est l'enfer. J'suis dans ma cité, personne n'a quitté. Dormir en taule depuis 16 ans vacciné. Devant la porte, un gamos. Dans mon équipe, y'a jamais tu vas tos. Il faut des lovés, demain j'vais crever. Suffit de 5 chiffres pour qu'on vienne te lever, mon gros. Y'a des meurs pour te fumer ou te prendre ton genre art. Pour la bagarre, j'appelle Babou le barbare. Tu vas ronfler jusqu'à demain soir. Frérot, j'veux ma paye. La même que Robin, sans mon père. Qu'ils aiment trop la vie pour devoir la perdre, hein. J'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, ouais. J'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, ouais. Tu fais ça, tu m'es cher, tu sais où me trouver. J'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, ouais. Même si t'as le barba, j'vais quand même te trouver. D'où je viens, tu connais, je n'ai rien à prouver. Des love, des love, des love, des love. T'as le permis de poker, j'ai le permis de tuer. La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Nocturne. Pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Mais moi je me sens aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, comme un char d'assaut. Revoilà le double haut à l'appel du premier rang. Non, ne cherche plus les champions du monde. Le monde garçonné que dégaine, un cric que bombing sur le FN avant qu'il nous faut dans la scène. Celle-là va lâcher cher. Qu'est-ce que tu peux faire pour ton nègre? Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. J'explose comme une grenade et puis trace comme une balle. Et le monde est bien alors mais je dis ça va faire mal. Fais-moi un flingue d'aigle, toi veux bien ton mal. Tenez-moi pas bien regardé, je suis un animal. On vient voir dans ma cité de peur d'attraper la gale. Après on s'étonne que ces jeunes soient brutales. Sais-tu que dans les banlieues qu'il y a des mômes qui s'étalent. Et que ces gestes blouses ce sera fatal. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une femme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une femme et puissant comme un fusil d'assaut. Quand t'as des morts et bégrés, poupée, j'aurai toi sans boiter sur la corde. La garçonnique, elle a maté déjà des vixens. Bayanik Man, t'as testé les mauvais traits, protège ta carotide. Fais gaffe quand on parle bête. Les embrouilles vont vite, la situation est critique. Je sens aiguisé comme une lampe, sans comme Charles son bon fond. Je vais tomber face, face, t'as dit. On s'en dit, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad,

classique dans la nocturne 100% rap français. Balancez les messages avec le hashtag Skyrock, ça arrive. Oh yes, sa papaya, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Ouais, c'est parti. Classique, les messages dans la nocturne 100% rap français. Nocturne. Mira, tu passes à côté de quelque chose, là, tu loupes. Oh, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oh yes, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami moi, mon ami moi. Ouais. Ah. Même après minuit, c'est gratuit pour les filles. Ouais, Diggy Dog, Gineco, Bubbex, Tom Bugs. Des guns, des keufs, des histoires de Kaira. Mais comment veux-tu faire kiffer les teuras? Mauvaise Diana réapparaissait, c'est macho. Direct, la recrue suffirait. Elle et moi, nous sommes mariés. Je suis le pit sur lequel il faut parier. Mon calibre du gros gibier. Pour m'avoir, faut des balles pour sanglier. Boum, boum. Ici y'a pas d'yo, juste des rats gonflés comme yo-yo qui bougent leur big panda. Précieux comme un panda, les mecs se mettent à bander. Tout comme moi, Bugsy, chroma du chromi, gynéco et stomi. À l'heure où mon secteur, la chapelle, devient plus célèbre que Virgin, Sony et de la Belle. J'ai de la bonne maquette pour deux burtels, un peu pont, des balles à ailettes pour les oulettes. Oh yeah, ça papaya, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. Pour les big panda et les petits dalmas. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. Pour les big bouca et les petits dalmas. La Bugs and Dog Mob, alibi implacable, Afrique et cop. Toujours du beau boulot pour les boîtes, les radios, les salauds, Andalo, le pouvoir au peuple, nos paroles font run. Mais K.O. Kadila, c'est du Dog Gineco. K.O. Kadila, c'est toujours au niveau. Stomy à mes côtés depuis le début. Un nouveau son que Sky passe en exclu. C'est pour les mecs en chien, les exclus. Je suis le Kung Fu Fighting. J'ai la fleur de vivre, mes pives, ils peuvent pas me saquer. Tokyo saké, mes kata ke ata. Pas besoin de compter combien de dalles j'ai, mais combien dedans je te fais cracher. Fini les conneries, sur ta meuf je rebondis. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un escrime avec mon ami et moi. Pour les big bonda et les petits dalmas. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. Pour les big bonda et les petits dalmas. Dans ma rue j'ai 100% sur mon trottoir. Madame Maigrette à 15% d'y croire. Un peu de saleté, de crasse et une 16. Voilà comment jouir de l'hospitalité française. Je suis nègre, juif et communiste. Allez leur dire, oh le péniste. Les macros marquent le coin, pas de micmac. N'écoute pas les pingouins qui diront des blablabla. Le nez plein de rats, blabla. Pimpon, la banda, papon. Péfli sont mon nouveau couplet de boy, play, oui ça me plaît. De Brigitte, femme de flic à histoire de seuf. Un uniforme, une top, la beuh, des yeufs. Et je fais tourner à mes reufs. Donc putain, je suis hype, go get ça. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. Pour les big bouddha et les petits dalma. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. Pour les big bouddha et les petits dalma. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. Pour les big bouddha et les petits dalma. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. Pour les big bouddha et les petits dalma. Oh yeah, ça papaya. La nocturne classique. On va pas tarder à tirer le store. Vous inquiétez pas, tranquille. Tranquille. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. Stomy Bugsy, Doc Gineco. Oh yeah, ça papaya dans la nocturne 100% rap français. Les messages avec le hashtag Skyrock, le hashtag la nocturne, ça arrive direct.

tricolore déteint les faits hardcore. Il semble que les jeunes sont parés jusqu'à la mort. Aucunement défaitiste, j'avoue craindre le pire. D'autres attendent que le malheur les frappe pour compatir. Chacun voit midi à sa porte, diront les plus vieux qui essaient pas de faire croire que demain tout ira mieux. Alors qu'hardcore est critique à la situation dans le monde. Hardcore dans les choix évitrés à Staten Island. Hardcore des mômes qui font le trottoir en Thaïlande. Hardcore comme si je faisais sauter une piste dans mon vélo. I be your lawyer, start in line, D-Space 9. Designed for knuckleheads who bust guns with those signs. Let's converse, snatch this half of my purse. Body surf on the verse, head first. Beat your feet, big street, beat you down with the heat. Leave you spazzed out, spit in our teeth. Ain't nothing peace. Big boys, build, destroy, blunted, soul pump, steroid. 50 man convoy, it's meant to whip big toys. Coming through the wasteland, right hands on the silencer. 40 caliber, city slicker, Staten Island. Synchronized minds, combined thoughts that motivate. Don't perpetrate, pass the blunt. Let it circulate. Street politicians on a suicide mission. Crime vision, finger itching from a scope view position. Dangerous ground. Trade pound seven, spit around for my veteran. The cloud comes down. Drink a Heineken as we go inside the mine again. Never mind the men, dropping gem. Can he shine again? No stopping it. Let this be my last will and testament. For the pessimist, the exercise for the exorcist. Johnny treacherous, like three. I'm supposed to be perpetuous. Decimate the poetry, get everything that's close to me. The lecturer, Jonathan. King of the seven seas, battle with Leviathan, the Methodist. Finally to your deficit, hit it up. If I can't live it up, somebody gotta give it up. John Jay, blow him out the water, Dr. Bombay. Yo, bitch, look like Strong J. I am me the wrong way. Burn one and saute, giving you different ways of wordplay. They bustin' bullets over Broadway. Et être étranger à Paris, c'est pas une vie, mais une aventure. Aventure raciste, ça devient vite une mésaventure. Accroche ta ceinture, c'est le soir tard, toute aventure. Mon pote, c'est sûr, t'es jamais à l'abri d'une peinture. Mais système d'ordure, Dieu seul sait ce qu'on endure. Ordure, les temps sont durs, mais ça fait un moment que ça dure. Hardcore sont les propos extrêmes du FN. Hardcore est la mauvaise graine de haine qu'ils sèment. Hardcore sont les crimes dont on accuse le GIA. Hardcore est la façon dont les Yédric et Vrima fient. Hardcore, le FLN sait se fait entendre en Corse. Hardcore, la Gestapo applique à des méthodes féroces. In the heat of the night, my 4077 mash on the mic, killer army, the trap of John M. Dean. Mafia Africa, it's a black. How many understand? Code contacté, t'es mon héros favori. Noir comme pas possible, j'fais pé flip le d'un Gaouli. Élevé au riz, c'est à Orly que j'ai atterri. Naki, un 28 décembre, James Kelly. Haïti, mon pays en silence péri. Je répète, Haïti, mon pays en silence péri. J'mets pas de nuit quand je nuis au système établi. Late night, tu play night. Avec la mafia qui nigga shitting on it, just like doodoo. Man, see Boko, Metro Cow man, put the doodoo. Rap and coming through, represent the cats from the stack. Allen, ain't no fucking smiling, freestyling. Coming off the effing dome on the Sky Rock Radio, met the Callen stereo. Never take my words for granted, and I come through, understand it. Ain't no limit to what I do when I wreck for my whole damn crew. W to the U to the T. Idéal J, ma gueule! Je risque des grosses peines en attendant que mon heure vienne. Vision chaotique d'une situation diabolique. La rue a fait de moi Kerry James le mélancolique. Et si la mort peut devenir une solution? Hardcore jusqu'à la mort. Hardcore Idéal J. Hardcore Idéal J, Method Man. Seulement pour Skyrock maintenant. La nocturne classique. Parfois mes maisons fermées selon leur intuition. En mission, sans prétention, j'ai l'intention de ne pas subir chaque jour la répression. Planète Rap. Monsieur Youssoufa, menace de mort classique. Les gens de l'UTMI, ta mère, ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Toulon à 3 mois de prison ferme et à 6 mois d'interdiction d'exercer leur métier sur l'ensemble du territoire français. Scandale avec les syndicats policiers, premier scandale, à cause de bogie de femme de flic. Deuxième scandale en 95, dans le deuxième CD, donc qui s'appelait 95200, avec Sacrifice de poulet. Monsieur R, dont le dernier album, politiquement incorrect, s'est attiré les foudres d'un député du Sud. Nicolas Sarkozy a même aussi annulé le concert qui devait avoir lieu la semaine dernière. Les membres de Sniper ont évidemment répliqué aussitôt. La rumeur existe depuis 1996. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a porté plainte contre vous, il y aura un procès, parce que vous avez déclaré « Des centaines d'entre nous sont tombés sous les balles de la police ». La chanson de Youssoufa, il faut la citer quand même. C'est « Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour ». C'est une menace de mort. Les accusations sont graves et comme d'hab on fait avec.

faire. Tu tournes en plaque pillée. Tu vas t'en faire. Tu es petit comme un petit mimi. J'suis pas mais j'crois que t'as tes limites. Ce soir tu pleures vers les coups de minuit. J'veux pas te plaisir alors j'suis tes mimi. J'ai pas changé gros. J'ai gardé mes valeurs. Tant que tu me dis à ta l'heure. Depuis que tu me dois des lobes, on va se revoir, c'est te dire. Ouais, j'alors. J'en mets à court d'idée, ouais, j'en mets à sec. J'vois la ligne coucher quand j'capte sur la A7. J'sais que les jaloux m'écoutent en cachette. Et au bête, ça m'écoute même en cassette. Ouais, j'allume. Ouais, j'allume. Et c'est la fin de la nocturne. Merci à vous tous d'avoir veillé tard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Franchement, c'est relou. Viens là, viens là. Cécile, présente-toi. Oui, alors c'est pour faire la promo de Jules. Jules qui était sur Skyrock ce soir, oui. Qui sera en concert le 23 décembre aux Élites. Oui, mais c'est complet. C'est complet, mais on peut quand même gagner des places, non, sur Skyroulette. Vas-y, ok, après autre chose. On peut, et c'est la fin ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Non, mais pas de dédicace. Oui, la semaine prochaine, vendredi. Vendredi prochain, on est là, on est tous là. Et on fera des dédicaces. Ouais, ouais, ouais, ouais. Merci à vous tous, merci d'avoir veillé pour la nocturne 100% rap français. C'est ah, quoi ce bordel encore? Mais oui, bien sûr, je suis là. Mais t'étais où? Bon week-end à vous tous, j'étais à côté. Moi, j'ai écouté la nocturne. Bon week-end à vous tous. Bisous. Vois pas, j'étais dans le coin. Merci à la Marie. Et allez me chercher Mathieu. Mathieu! Typhon, dédicace à Typhon aussi qui était là avec nous. Allez me chercher Mathieu. Attends, Mathieu, c'est la famille. C'est un mec du 31. Non, c'est pas le 31. Au fait, grosse pensée à Toulouse, des gens qui écoutent Toulouse, on est ouais. Là. Grosse dédicace au sud. Merci Fredo pour cette nocturne, Mathieu, on a gros. Kiffé. Dédicace gros. Yes. Ouais, ouais, ouais. Non, mais dédicace à qui alors? Dédicace à qui? Dédicace. Ouais, dédicace à vous tous. Vous êtes là avec moi. Franchement, vous êtes les meilleurs. J'adore Skyrock. Parfait. Ça, c'est les vrais amis. On sait, merci Mathieu, merci Typhon, merci Guapache, merci Marie, merci Nora. Bisous à vous tous, bon il est où Fabuleux? Il est où Fabuleux aussi? Il est avec moi là. Fabuleux, 100% rap français, c'est lui qui va reprendre le contrôle maintenant. Il est grand temps d'y aller, 2h05, on va tirer le store, c'est fini. Nocturne et rendez-vous dès lundi 20-21 dans Planète Rap, ce sera avec l'artiste. Ciao. Skyrock. Shine bright like a diamond.